Soir de carnaval. Paris chahute au gaz. L'horloge comme un glas sonne une heure. Chantez, dansez, la vie est brève. Tout est vain, et là-haut, voyez, la lune rêve, aussi froide qu'au temps où l'homme n'était pas. Ah, quel destin banal! Tout miroite et puis passe, nous leurrant d'infini par le vrai, par l'amour. Et nous irons ainsi, jusqu'à ce qu'à son tour, la terre crève aux cieux, sans laisser nulle trace. Où réveiller l'écho de tous ces cris, ces pleurs, ces fanfares d'orgueil que l'histoire nous nomme, Babylone, Memphis, Bénarès, Thèbes, Rome, ruines où le vent sème aujourd'hui des fleurs. Et moi, combien de jours me reste-t-il à vivre? Et je me jette à terre, et je crie et frémis, devant les siècles d'or pour jamais endormis, dans le néant sans cœur, dont nul dieu ne délivre. Et voici que j'entends, dans la paix de la nuit, un pas sonore, un chant mélancolique et bête d'ouvriers ivres-morts qui revient de la fête et regagne au hasard quelque ignoble réduit. Oh, la vie est trop triste, incurablement triste. Au fait, d'ici-bas, j'ai toujours sangloté. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Puis je songeais, où sont les cendres du psalmiste ?